des années déjà que tu es loin de moi. Ton absence a laissé comme un grand vide en moi. Le sourire d'une photo me raccroche à toi. Même tous leurs dieux ne te ramèneront pas. Non, non, non, je ne peux pas vivre sans toi. Oh non. Non, non, non, je ne survivrai pas. Non, non, non, je ne peux pas vivre sans toi. Oh non. J'ai beau faire semblant, je n'y arrive pas. J'ai souvent l'impression de me battre contre un mur. L'absence d'un proche est comme une réelle déchirure. Je crie ma peine à la vie, la mort, je l'injure. Je baisse la garde et vole en éclats mon armure. Non, non, non, je ne peux pas vivre sans toi. Non, non. Non, non, non, je ne survivrai pas. Oh non. Non, non, non, je ne peux pas vivre sans toi. J'ai beau faire semblant, je n'y arrive pas. Si loin de moi, toi tu n'es plus là. J'ai quelquefois le besoin d'écouter ta voix. Ma tristesse est comme un hiver qui ne finit pas. Seuls les meilleurs partagent chaque fois. Sans toi. Oh non. Non, non, non, je ne survivrai pas. Oh non. Non, non, non, je ne peux pas vivre sans toi. Non. J'ai beau faire semblant, je n'y arrive pas. Oh oh oh oh. Non, non, non, je ne peux pas vivre sans toi.